Je passais la matinée à prendre des drogues, surtout je ne sais quelles eaux, je crois les eaux de Valls, et à écrire à Madame de Larnage, car la correspondance allait son train, et Rousseau se chargeait de retirer les lettres de son ami Dudding. À midi, j'allais faire un tour à la Canourgue, avec quelqu'un de nos jeunes commensaux, qui tous étaient de très bons enfants. On se rassemblait, on allait dîner. Après dîner, une importante affaire occupait la plupart d'entre nous jusqu'au soir. C'était d'aller, hors de la ville, jouer le goûter en deux ou trois parties de maille. Je ne jouais pas, je n'en avais ni la force ni l'adresse. Mais je pariais, et suivant, avec l'intérêt du pari, nos joueurs et leurs boules, à travers des chemins raboteux et pleins de pierres, je faisais un exercice agréable et salutaire qui me convenait tout à fait. On goûtait dans un cabaret hors de la ville. Je n'ai pas besoin de dire que ces goûters étaient gais. Mais j'ajouterai qu'ils étaient assez décents, quoique les filles du cabaret fussent jolies. Monsieur Fitzmaurice, grand joueur de maille, était notre président. Et je puis dire, malgré la mauvaise réputation des étudiants, que je trouvais plus de mœurs et d'honnêteté parmi toute cette jeunesse qu'il ne serait aisé d'en trouver dans le même nombre d'hommes faits. Ils étaient plus bruyants que crapuleux, plus gais que libertins. Et je me monte si aisément à un train de vie quand il est volontaire, que je n'aurais pas mieux demandé que de voir durer celui-là toujours. Il y avait, parmi ces étudiants, plusieurs Irlandais, avec lesquels je tâchais d'apprendre quelques mots d'anglais, par précaution, pour le bourg Saint-Andéol, car le temps approchait de m'y rendre. Madame de Larnage m'empressait chaque ordinaire, et je me préparais à lui obéir. Il était clair que mes médecins, qui n'avaient rien compris à mon mal, me regardaient comme un malade imaginaire et me traitaient sur ce pied avec leurs skins, leurs os et leurs petits laits. Tout au contraire des théologiens, les médecins et les philosophes n'admettent pour vrai que ce qu'ils peuvent expliquer et font de leur intelligence la mesure des possibles. Ces messieurs ne connaissaient rien à mon mal, donc je n'étais pas malade. Car comment supposer que des docteurs ne sussent pas tout? Je vis qu'ils ne cherchaient qu'à m'amuser et me faire manger mon argent, et jugeant que leur substitut du bourg Saint-Andéol ferait cela tout aussi bien qu'eux, mais plus agréablement, je résolus de lui donner la préférence, et je quittai Montpellier dans cette sage intention.